بسم الله. المدرس يكتب الدرس على السبورة. نعم، المدرس يكتب الدرس على السبورة. أخواتي. أخواتي. أختي. يغسلنا ثيابي بالصابون. نعم. أنا أقرأ القرآن كل صباح. خيب، أنا أقرأ القرآن كل صباح. أسمع الأخبار من الإذاعة. أنا ربيت أسمع. أسمع. أسمع. نعم. أسمع. أنا أسمع الأذان. لا غير بيا. الأذان. يكفي الأذان هو ما سبق الأذان. C'est possible, parce qu'on a peut-être pas la même édition. C'est quoi, vous? C'est des deux loin dessus. Ah, c'est juste. Ça arrive. Dis-nous pourquoi tu as mis une kasra à Mahdi. Et pourquoi tu as mis une kasra à une fatha là? Parce que c'est... Oui, je sais que tu as entendu. Asma'ou. Maf'oul bi. Taïb, barakallahu fik. Asma'ou l'akhbar min al-ida'ati. Naam. Regarde bien. Toi, t'as dit Asma'ou. Regarde. Suis ici. Comme ça, tu vas comprendre. T'as dit Asma'ou l'akhbar min al-ida'ati kulla yom ya Abdallah. Tu t'es appelé. Ou tu t'appelles quelqu'un là. T'as compris là, Merdi? Tu dis Asma'ou. C'est qui écoute là? C'est moi. C'est toi. Taïb. Al-akhbara min al-ida'ati. Kulla yom ya Abdallah. Là, t'appelles quelqu'un ou tu t'appelles là? Non, il y a quelqu'un bien précis. Voilà. Toi, tu vois la faute que t'as fait là ou non? Non, je vois. T'as dit Asma'ou. C'est qui entend là? C'est toi ou c'est Abdallah? Regarde, moi j'essaie de t'aider là. Il y a un indice là. Tu saisis ce que je te dis là? Non. Qui a compris là? Tout le monde a compris? Non. Moi si je te dis Ya Mahdi, Asma'u l'akhbar, ou je te dirais Ya Mahdi, Atasma'u l'akhbar? Je te dirais. Non. Je te dirais Atasma'u. Pourquoi? Parce que face à toi, tu non, c'est pas une question de face à toi. Tu peux être face à moi et pourtant je vais t'informer. Je te dirai quoi? Ana asma'u al-akhbar kull yawm. Ya Abdallah. Mafhoum? Ana asma'u. Mais là, il te dit quoi? Atasma'u al-akhbar. طيب. Ya Abdallah. Non, parce que je parle à lui. C'est comme si là tu parles à lui. طيب. Taïb. T'as compris la Mahdi? Non, j'ai compris. Taïb. Enfin, je me suis trompé dans le dire Tasma'ou, j'ai dit Asma'ou. Non, le fait que t'appelles, c'est que c'est comme si tu lui demandes. Mais Allah alim, il n'y a pas de mal également de dire Asma'ou, comme si tu veux l'informer, Ya Abdallah. Mais faut m'aider. Mais le fait de l'appeler, c'est que tu veux l'informer. Taïb. Non, mais il y a surtout c'est une question. Comment? Parce que il y a l'interrogation. Voilà, également plus, il y a l'interrogation, comme ils disent les frères. Alors là, automatiquement, Atasma'ou. Mais faut. Mais s'il n'y avait pas l'insigne, là tu aurais pu avoir raison. Ça veut dire Asma'u ou Atasma'u. Mais le fait qu'il y ait l'interrogation, c'est-à-dire le signe, là automatiquement c'est quoi? C'est que tu demandes après lui, est-ce que c'est toi qui entends les informants? C'est pour ça avant de répondre, regardez à qui vous allez parler. Inch'Allah, ça veut dire là on a quoi? Ya Abdallah, le faut, An-Nida, et en plus on a le signe, Al-Tarqim. Alors automatiquement tu diras quoi? Atasma'u. T'as compris là, Mani? Barakallahu fik. Au suivant. Regarde bien. At-talibatu. At-talibatu yadhabna ila al-madrasati bihafilati al-madrasati. Très bien. Ila al-madrasati bihafilati al-madrasati. On aurait pu dire, Afwana, on aurait pu dire At-talibatu yadhabna ila al-madrasati bihafilati al-mudarrisati. C'était faisable ça?